Roulons ensemble, la minute du covoiturage au quotidien. Anna est une jeune femme qui habite la région toulousaine et elle fait du covoiturage au quotidien en tant que conductrice. Elle nous explique les raisons de ce choix et les nombreux bénéfices qu'elle tire de cette démarche. Alors moi je fais du covoiturage principalement pour aller au travail. Le premier bénéfice que j'en tire, il est financier. J'ai calculé une fois sur 4 semaines de trajet, j'ai économisé la moitié d'un plein. Et après sur le plan personnel, puisque c'est intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. Pour l'aspect écologique, alors je pense que parfois c'est compliqué de laisser la voiture à la maison, mais je trouve ça important d'essayer de la remplir au maximum. Je suis contente de me dire que j'ai pas juste été toute seule dans ma voiture à polluer pendant 40 km. En plus d'avoir rencontré des gens, j'ai fait une bonne action. J'ai limité mes émissions de CO2. Et pour Anna, certains trajets peuvent laisser des souvenirs particuliers. C'était il y a quelques années, moi je faisais mes études à Bourges à cette époque-là et pendant les vacances je rentrais chez mes parents. Donc pour ça j'ai pris un covoiturage et dans ce covoiturage j'ai revu mon tout premier amoureux avec qui je sortais quand j'étais au collège. C'était une drôle de coïncidence comme quoi faire du covoit ça permet de faire de belles rencontres ou de refaire de belles rencontres. Le covoiturage du quotidien, des trajets qui nous rapprochent. Retrouvez toutes les informations et les aides pour le covoiturage du quotidien sur covoiturage.ecologie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.